territoire de Canoussiera. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Michel et Olivier qui viennent du groupe Montpellier Hérault de la FA. Ce groupe a pour objectif de réfléchir et agir pour faire avancer les idées et les propositions libertaires dans notre société. Donc aujourd'hui, ils vont nous parler d'économie, donc un thème qui n'est pas toujours traité par les anarchistes. Là, vous allez trouver des livres qui parlent d'économie d'une façon ou d'une autre, qui font partie de la librairie. On en a plus d'une centaine, mais des grecs, dans la bibliothèque. Et bon, après, la discussion, ils ne veulent pas faire un exposé professoral. Donc, il y aura une introduction et après, le débat est avec la salle. Michel, on connaît depuis longtemps puisqu'il est membre du CERA et qu'il a sorti un livre qui s'appelle « Un regard noir, la mouvance anarchiste française au seuil de la Seconde Guerre mondiale ». Donc il parle du mouvement anarchiste avant et pendant la guerre et il prépare la suite. Il est à la recherche d'un éditeur ou l'éditeur le recherche, je ne sais pas. Et il a écrit aussi beaucoup d'articles, plus d'une dizaine d'articles dans le monde libertaire qui traitent souvent d'une partie d'économie, les retraites, les fonds de pension, la mutualité, la sécurité sociale notamment. Voilà, j'en ai assez. Le bouquin de Michel date de 2008 et le groupe de l'AFA date de 2010, je dis ça. Donc je vous laisse la parole à tous les deux. Donc, en termes de cette introduction, déjà s'adresse un peu aux anarchistes, puisque bon, c'est le problème du fait que chez les anarchistes, on ne veut surtout pas s'engager sur le champ économique. Donc, je ne parle pas des syndicalistes, pas des anarcho-syndicalistes, ni des libertaires communistes, mais je parle même pour les anarchistes, l'ANJA. Ceux qui ne sont pas anarchistes, je ne sais pas que le dire déjà, parce que les cultures, on va parler d'eux aussi. Bon, on est à demain de s'interroger sur l'attitude des anarchistes au sujet de ce qui a pris de nos jours une importance démesurée, le problème lancinant de l'économie. Si dans la culture dominante, l'économie a pris une telle prépondérance, elle en demeure, hélas, décontextualisée de tout objectif concret de gestion qui puisse répondre aux justes besoins de la diversité humaine selon ses ressources naturelles. Il convient donc à l'humanité de repenser son économie de façon locale et fédéraliste. Dans cette optique, il s'avère stratégique de proposer d'autres types d'approches économiques que les soi-disant solutions autoritaires proposées par l'ultralibéralisme et son économie de marché internationalisée actuelle, ou par un retour improbable à l'économie, à l'État à providence sur ces aspects aussi bien sociodémocrates que néo-keynésiens. Le néo-keynésisme, c'est beaucoup ce qu'on appelle, on veut cette intervention de l'État pour relancer l'économie. Voilà, il faut dire que dans son histoire, et dès le 19e siècle, l'anarchisme, pour tenter de résoudre les querelles entre, d'une part, les anarchistes communistes, les collectivistes, théorie de Bakounine, pour les collectivistes en Espagne, puis entre anarchistes individualistes et communistes aux États-Unis, ils vont parvenir à l'acceptation du concept d'anarchisme sans changer adjectif. Cette proposition, dans l'expression publiée par Fernandez Tari d'Abel Marmol, est une tentative de montrer une plus grande tolérance entre les tendances libertaires et de rendre clair que les anarchistes ne devraient pas imposer de plan économique préconçu à quoi que ce soit. Et c'est là même dans la théorie. L'adoption de ce concept par des propagateurs comme Voltaire de Clèves, Rico Malatesta, Max Netto, Élisée Reclus, a porté la majorité de la mouvance anarchiste à rejeter tout modèle économique comme faux. Cependant, de façon à ce que soit préservée la diversité idéale, en recherchant sa justesse et son équilibre, elle prendra parfois une position pluraliste, puisant des éléments dans chacun des modèles proposés par les théories, bien sûr, collectivistes, communistes ou individualistes, en particulier l'individualisme et l'associationnisme, et dans les substances de leur fondement même. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait appel à des conceptions économiques, parce que c'est impossible de ne pas parler de politique sans parler des années, sa remise en cause par les anarcho-communistes et les anarcho-syndicalistes, parce que là, les communistes libertés et lui, les anarcho-communistes, ne pas parler des communistes. Cette position est devenue une tradition chez de nombreux anarcho-libertaires, pour qui elle a évolué comme une évidence. Pour ses compagnons, les tendances économiques sont pensées comme un intérêt accessoire par rapport à l'abolition de l'autorité sous les formes de l'étatisme et ou du capitalisme, pourtant les concepts éminemment économiques. Alors, ils sont de façon problématique pour la liberté d'expression, comme règle première de la société libre. C'est ce que Bakounine qualifiait dans ses derniers écrits de propagande par le fait. Celle-ci n'y a rien à voir avec la triste interprétation faite postérieurement par certains exaltés de la mystique de la conquête. Cependant, de ces expérimentations ne sont que rarement sollicitées des propositions pour, ici et maintenant, c'est-à-dire pour le présent, nécessaires même au sein d'une idéofortiste. Alors, idéofortiste, c'est un terme utilisé par Proudhon, qui veut dire qu'en réalité, l'anarchisme n'est pas une idéologie, mais est une action, est une théorie en action. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de se modifier. Il n'y a pas de fixité dans l'anarchisme. On ne peut pas fixer une théorie anarchiste en réalité, elle est toujours en progression. C'est pour ça qu'il a dédié sa description de l'anarchisme, puisque c'est ce qu'il a défini, en premier, au sens moderne du terme, il a bien précisé que c'était une idée fortiste. Donc il fallait comprendre comme une action, comme une volonté, comme un agir. Forcément pluraliste, il y a un mouvement perpétuel. Le mot perpétuel, c'est ça. C'est un pluraliste dans le sens que c'est vrai qu'il n'y a pas un anarchisme, il y en a plusieurs, mais il faut qu'ils s'apprennent à se compléter. Combien de fois, lorsque certains d'entre nous veulent avancer des propositions réactualisées ou effectuer des propositions économiques, nous sommes arrêtés par des compagnons qui nous disent « Ce n'est pas à nous de décider des formes que prendra la gestion économique, mais au peuple ou à la société. » Parmi les promoteurs anarchistes, il n'y a guère que Proudhon, Kropotkin, Tomlinson et Bénard. Pour s'être intéressé de près à l'économie dans son cadre général. Pierre-José Proudhon a tenté une analyse critique des facteurs de l'économie dans le but de constituer une science sociale jugée par parmi encore inexistante. En effet, il voyait venir une société qu'il appelait de ses voeux, dans laquelle la politique se trouve intégrée dans l'économie. C'est-à-dire qu'il voulait que la politique soit intégrée dans l'économie, ce que même les économistes, on pourrait dire lambda, ont l'acceptation, puisqu'ils appellent ça économie politique. Mais bon, mais ça va plus loin que ça, hein. Je suis doublé, parce que moi j'ai une notion anthropologique, ça va plus loin que ça, hein. Plus que du coup. Donc, ensuite, il y avait bien entendu Kropotkine, comme c'était un authentique de science, un mathématicien, un géographe et cartographe, il s'est borné à un moraliste plus qu'un scientifique à esquisser les grandes lignes d'une économie idéale dans une société anarchiste. Christian Kornelinsel, en tant que syndicaliste révolutionnaire et anarcho-communiste, pragmatique et réaliste, insiste dans le communisme libertaire, où il y a le régime de transition, sur la période de transition. En fait, c'est un bouquin qui nous parle de la période de transition. Parce que lui, c'est bien, il faut passer du capitalisme à une société de type socialiste libertaire, mais on est obligé de faire part quand même d'une période de transition. Autrement, il faut faire une dictature. C'est vrai, si vous le posez, c'est une dictature. Donc, on ne peut pas imposer, donc il faut une transition. Ensuite, il a fait aussi beaucoup de grands ouvrages en fait, d'économie. Donc, il a dit la fameuse théorie de la valeur, qui a été publiée en 1903 et en 1912, où il refute la théorie de la valeur travail, qui a été développée aussi bien. Par les classiques, c'est-à-dire par aussi bien par Camus que par Karl Marx. Ses recherches furent poursuivies dans son traité général des sciences économiques, dont la publication s'étale jusqu'en 1944. celui c'est vraiment un économiste anarchiste, mais personne n'en parle, je ne pas les parce que c'est vrai que ces écrits ont rebuté beaucoup de compagnons ouvriéristes, parce que bon, en fait, il s'appuie quand même déjà sur les. D'une part sur la sociologie, beaucoup sur la sociologie en réalité, comme l'avait proposé Proudhon. Et aussi, on pourrait dire, il s'appuyait quand même sur la science économique, c'est-à-dire qu'il prenait quand même, il déconstruisait les propositions que faisaient à l'époque des gens qu'on appelle des économistes dits classiques. Quoi. Donc il déconstruisait. Donc ça fait que c'est vrai que c'est un ouvrage qui n'est pas, si c'est pour ça, lire. Il y a quand même ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a donc essayé de trouver une théorie inductible du salaire, voilà. Qui a valu sa renommée internationale. En 1934, Pierre Bénard, donc, dans son ouvrage Le Monde Nouveau, son plan, sa construction et ses fonctionnements, il aborde l'organisation économique et politique au niveau de la production industrielle, agricole, syndicale, politique, administrative et sociale, et conclut par une organisation générale du monde. Et son approche est faite dans une conception calquée sur l'organisation syndicale. Bon, qui sont intéressantes, mais un peu simplistes. On en sort, parce que moi, j'ai vécu dans les années 40, et c'est vrai que maintenant, l'approche économique, ça devient un peu trop simpliste. Bien sûr, de nombreux militants ont par la suite traité de l'économie, mais dans des cadres particuliers, comme celui d'un pays, et surtout de l'Espagne et de sa révolution. C'est le cas en particulier d'Isaac Pretter, Diego Abad de Santillan, Juan Paul Llorat Fabrega, Pierre Pilier de Castelval, Augustin Souchy. Malheureusement, il nous faut souligner que les développements des organisations anarchistes après-guerre ont souvent parti de leur dépendance parfois excessive au modèle théorique de la Révolution espagnole de 1936 et 1939. Ils sont restés gravés là-dessus. Et malheureusement, ils n'ont pas su moderniser, proposer quelque chose par le modernisme. Ils sont restés un petit peu presque admiratifs de ce qu'ils avaient pu faire pendant la guerre. Pourtant, bon, c'était très difficile. Et ça a été, pour dire, qu'un bref été. Mais bon, ils ne sont pas su après ensuite tirer des conclusions et les moderniser. Quoi. Ils sont restés un peu clavés là-dessus, pour les communautés agraires, tout ça. Donc on va en parler maintenant. Notre réflexion, plus on va aussi, mais avec circonspection, et sans nous mettre certaines critiques sur des propositions contemporaines dites libertaires, comme de l'économie autogestionnaire, de l'appareil de 2016, que je ne connais pas tout à l'entier, mais je connais son premier livre, mais je ne connais pas son dernier livre. Donc, je vois à peu près ses orientations. L'économie participaliste, participative, il faut parler de nos amis Albert et Anel, qui eux sont plutôt, on pourrait dire, marxistes, des libertariens, des libertariens, plus que libertaires. La démocratie inclusive ou générale de Takis Fotopoulos, qui sont plutôt axés sur l'autonomie de type castoriadis, comme il est castoriadis. Voilà, c'est pour quelqu'un là-dessus. Avec donc l'idée, bien entendu, de démocratie directe. Il y a de très bonnes idées chez par contre Fotopoulos, mais bon, il y a aussi des choses qui font déposer que ce n'est pas très facile à mettre en place. Il y a l'économie politique mutualiste appelée de Kevin Amos Carson. Alors là, bon, pour dire que c'est pour moi des conceptions qui sont plutôt, bon, lui se dit libertarien de gauche, libertaire, mais bon, il est pour le marché, il propose le mutualisme, mais il est pour le marché, il est pour la propriété privée, c'est le côté couvrier, c'est le colon, il faut que vous conserviez le droit de propriété, tout ça, c'est important. C'est le côté colon des Américains, même quand ils sont libertaires, ils n'arrivent pas à se passer de la constitution de leur état de droit. De ce côté, appropriation des terres des autres, tout simplement c'était pour les aînés, pour pas oublier. Donc ça, c'est le problème de savoir. Et malheureusement, même dans la conception anarchiste, ils sont toujours en porte-à-faux à cause de ça. Bon, ces manières de voir traduisent l'opposition qui existe à l'intérieur du mouvement anarcho-libertaire. Alors, anarcho-libertaire, c'est moi qui propose ce terme, parce que j'estime qu'un anarchiste et un libertaire ne sont pas tout à fait la même chose. Alors, je vous donnerai la définition si ça vous intéresse. Parce que vous, un libertaire, ce n'est pas un anarchiste. On peut être, quand on est anarchiste, on est libertaire, mais on peut pas, on peut être des libertaires, on n'est pas forcément anarchiste. Alors, réfléchissons. Donc, quel est-il vous remettez sur l'IGT à cette fameuse définition anarcho-libertaire? Alors, face à ce constat, qui était là, voilà, la plupart de nos contradicteurs considèrent, bien entendu, dans nos propos de très concrets, que nos idées sont utopiques ou irréalisables. On est alors en droit de s'interroger sur l'attitude des anarchistes qui, généralement, nient que le sujet de l'économie est un intérêt, une opportunité essentielle, qui devrait redevenir l'une des principales bases de leur fondement. Pour cette raison, la question de principe que nous devons d'abord nous poser reste la nécessité de réfléchir et de proposer d'une façon pragmatique et non pratique l'organisation économique, politique et sociale des formes de société à venir. En tenant nécessairement compte de la diversité des cultures et des spiritualités. Après, les spiritualités sont au terme de la doctrine anthropologique. Spiritualité, en règle générale, c'est contre la philosophie. Bien entendu, la spiritualité est aussi la religion. Les esprits, les machines, tout autrement, ça construit l'humanité. Quand on fait l'histoire de l'humanité, quand on fait l'anthropologie, malheureusement, on est obligé de passer, quand on étudie même les peuples premiers, on est obligé d'étudier leur croyance à certains esprits, à certaines forces de la nature, à certaines habiletés, ou à certains ancêtres, ou héros, etc. Donc tout ceci, on ne peut pas non plus le gommer. Il faut tenir compte des particularités de chacun. Parce qu'on a tendance, nous, en Europe, à toujours réfléchir à l'occidentocentrisme, c'est-à-dire par rapport à notre propre culture, mais on ne passe jamais, on n'arrive pas à se mettre à la place des cultures des autres. Et ce qu'il faut apprendre aussi, c'est quand même se mettre aussi au niveau des cultures des autres. Et nous, on a dit, il ne faut pas tolérer les autres, il faut comprendre comment s'organise leur culture, et comment leur culture, c'est automatiquement, à ce moment-là, savoir pourquoi ils ont tel rite, telle particularité. Si on commence à rester uniquement dans le conflit frontal entre l'Occident et, par exemple, l'Orient, ou même l'Amérique du Sud, parce qu'il y a une particularité de l'Amérique du Sud, l'Océanie, voilà, l'Australie, c'est encore plus compliqué, donc il faut faire attention, c'est pour ça que les camarades de ce groupe de la religion, je suis bien entendu légaliste, mais il faut faire attention en termes de spiritualité, de religion. Religion, c'est religieux. Il peut y avoir des religions comme laïques. Déjà, pour si vous voulez s'amuser. Mais bon, je ne veux pas m'amuser, mais le terme de religion, ça a du sens. Ce qu'il y a, c'est que dans les peuples premiers, ils ont besoin souvent de se reporter à des mythes. À des mythes fondateurs ou à des esprits, à des choses supranaturelles. C'est des supports supranaturels qui souvent, justement, bâtis leur économie. Et on connaît ces économies bâties autour des rites, des supports naturels. Donc il faut être libre pour pouvoir, après, ensuite, calquer une économie tout un tas de groupes humains qui ont des différences culturelles. Il faut penser qu'à la culture occidentale. C'est pour ça que je terminais en disant que si on ne tenait pas compte de cette diversité, de ce monde complexe dans lequel nous vivons, on risque de bâtir sur du sable. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, après, bon, j'aborde d'autres sujets, mais je pense que là, déjà, il y a peut-être dans cette introduction quelques interrogations que vous pouvez nous faire. Donc, je propose déjà de voir si vous, cette introduction vous pose des questions, si vous avez des questions à proposer, ou même des idées à avancer. Parce que je ne suis pas nécessairement, vous n'êtes pas tout sur la question, je ne suis pas assez infusé. Donc peut-être ça peut venir même de vous. C'est-à-dire, quelques jours, allez-y, oui. Je ne comprends pas pourquoi cette question, parce qu'à l'époque, disons, liée à l'Unis et à la situation européenne occidentale qui puis pour entendre en vous entendant que je n'ai pas de limite. Il y a un anthropologue que j'aime beaucoup, ça s'appelle Gilbert Durand, qui dit le plus grand des mythes, c'est de croire qu'on n'est pas dans un mythe. Donc nous, on est dans un mythe comme n'importe lequel, pas que le premier ou autre. Mais si on part pas sur ce base-là, quelque part, on se met dans un espace différent, si on veut, de pratiquement toute l'humanité. On se met au-dessus de la vie. Mais on est dans des mythes. Je veux dire, comment se libérer, qu'on pense tout ce qu'on voudra, on est tous dans un mythe parce que l'esprit humain est fait comme ça. C'est fondamental de poser cette question. Je ne suis pas exprimé, parce que justement, quand je disais que culture occidentale, ce n'est pas l'opposition au mythe. Je mettais en avant, bien sûr, le mythe des peuples premiers, parce que bon, mais c'est plus connu. Mais c'est vrai que nous, on est pénibles, puisqu'on est de la culture on est quand même dans la culture chrétienne. Oui, il y a rationalité. Directement, vous pouvez exprimer que Dieu, avec le Kant, avec le Descartes, avec les soins, les lumières, connaît que justement on est dans la raison et pas dans la mythe. Et ça, tout ne s'y est passé là-dessus. Et c'est vraiment la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est justement de prendre ça. Je suis mystérieux. Je suis contre la raison. Ne vous inquiétez pas. C'est pas ça mon grand sujet, c'est pas celui-là. Peut-être le plus grand mythe dans lequel nous vivons actuellement, c'est le capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est la seule culture qui est arrivée à faire de l'économie quelque chose de particulier. Dans toutes les cultures que nous avons sur le terrain, si vous étudiez l'économie, en fin de compte, ça fait partie de la politique, ou ça fait partie de la culture, ou ça fait partie du champ, du rituel. Tout est mélangé de la famille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes familiaux dans les cultures basées sur la famille. Il y a des cultures qui sont basées sur tout un tas de conceptions anthropologiques différentes. Et que nous sommes les seuls, nous, en Occident, c'est la culture occidentale qui a fait naître le capitalisme, à croire qu'il y a une économie pure, et cette économie pure, elle n'existe pas, parce que quand on apprend l'économie, les sciences économiques en Europe, c'est-à-dire en France ou aux États-Unis, on n'apprend pas l'économie. On apprend la forme de fonctionnement du capitalisme, et surtout de la financiarisation du capitalisme, c'est comment le capitalisme va rapporter. Le but de l'économie, c'est tout ça. C'est-à-dire de trouver des astuces, qu'on appelle bien entendu des portefeuilles boursiers, des îles là, pour essayer d'accumuler encore plus d'argent, en sachant que cet argent, bon, en tout cas en particulier pour les jeux, pour tout ce qui est le jeu en bourse, c'est de l'argent qui est tout à fait virtuel, qui ne peut plus être matérialisé. Donc c'est devenu une forme de véhicule. Puisque quand on ne peut pas matérialiser quelque chose, c'est comme une forme de véhicule. Et cet argent qui tourne en chiffres dans les ordinateurs, et en réalité, il n'est récupéré par personne. Il ne fait que tourner. Et les gens s'amusent à taxer dessus, ça apporte rien. Ça ne retombe pas dans les microéconomies, mais dans l'économie domestique de tous les jours. On se fout, oui, de la bourse. Et on supprimerait la bourse au quotidien. Vous voyez, il y a la crise en ce moment. Bon, à part qu'on réduit les salaires, parce qu'on a trouvé ce problème-là pour nous faire payer. C'est le cas de le dire. Mais en réalité, si on n'avait plus d'argent, on pourrait très bien vivre normalement. Mais on est assujetti à l'argent qui est éminemment l'argent. Je parle d'argent. Au niveau anthropologique français, l'argent, ça n'a rien à voir avec la monnaie. L'argent, ça veut dire qu'il y a profit. Alors que la monnaie, logiquement, ça peut servir à la limite pour l'échange, mais pas nécessairement pour pouvoir faire de la plus-value. Mais la bourse, c'est un grand sujet, par exemple. Je me suis intéressé un petit peu à quand il y avait toute cette affaire autour des crises alimentaires, la spéculation sur les aliments de base, etc. Là, il y a quoi, 2-3 ans que ça a commencé à faire pas mal, ou recommencer à faire pas mal de bruit. Quand on étudie de comment elles se sont constituées, c'est un acte volontaire de la part. Ça a commencé en Amérique, les premières bourses de matières premières, et il n'y a pas personne ne les a forcées, c'est les producteurs et les commerçants qui ont décidé d'instaurer cette bourse. Et maintenant, est-ce que tu veux leur interdire? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas interdit d'interdire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut interdire la bourse? C'est une question pour les parce qu'on a parlé de la bourse. Mais en règle générale, la domination, toute domination de la façon de la banque, c'est un complot de ceci, c'est un complot de rien du tout. Ça a toujours été comme ça, que tous les êtres humains qui ont fait, parce qu'ils ont dit, on trouve toujours un intérêt. Un intérêt, bon, en quatrième vague, on avait un intérêt parce que ça permettait de prêter de l'argent. À l'époque, c'était du mercantilisme, il fallait armer des bateaux pour les fournir au nouveau monde, il fallait du pognon. Les princes, l'influence était à faire pour leur guerre, alors il fallait qu'ils fassent pour prêter du pognon. Donc on a créé la banque. En réalité, le problème, c'est que quand il y a eu les cités ont surgi entre les néolithiques, c'est que tout simplement, il y a eu deux sortes de populations. Il y a des populations pastorales, qui étaient nomades, donc qui se baladaient, donc qui avaient comme possibilité de rester à peu près égalitaire, et quand il y avait des besoins qui se créaient, de changer de lieu. Et puis il y a d'autres qui ont changé la stratégie des agriculteurs pasteurs, mais sédentaires, ils se sont sédentarisés. Et le fait de la sédentarisation, ça a provoqué, si tu peux faire, deux problèmes. D'une part, une spécialisation du travail, et surtout, la peur des nomades, parce qu'il ne faut pas oublier que les nomades sont des pilleurs aussi. C'est-à-dire qu'ils vivent aussi bien de leur nomadisme, mais aussi ils ont toujours pillé. Et quand on regarde les civilisations bédouines, tout ça, si vous intéressez à ils ont toujours un peu vécu les Touaregs, tout ça. Ils ont toujours vécu un peu de pillage. Ça s'appelle des prédateurs. Hein? C'est des prédateurs. Ce n'est pas des prédateurs, c'est la manière de fonctionner, c'est-à-dire que quand ils ont passé... C'est pas péjoratif, prédateur, je veux dire, okay. Ils vont chercher leur subsistance chez les sédentaires. Alors c'est pour ça qu'en fait, les sédentaires, qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire? C'est de se confier aux classes de faibles et de bourgeois, qui fait le bourgeois de l'économie, donc il y a rien, qui avait le pouvoir de coercition, c'est-à-dire la force avec eux. Pour en fin de compte réaliser ce besoin de sécurité. C'est-à-dire en réalité, le besoin de sécurité, contrairement à ce qu'on croit, c'est un besoin qui n'est pas souvent dans les listes des besoins. Mais il est vachement important le besoin de sécurité. Et je pense que même peut-être que c'est un des premiers. Parce que les gens ont peur. On est des animaux inconsciemment. Comment on a la conscience, à mon avis, de pas mal de choses. Donc en fin de compte, on vit avec une sorte de peur. Mais la sédentarisation, c'est aussi l'accumulation de la richesse. C'est le moment où on commence à accumuler la richesse, celui qui a un prix par rapport à celui qui n'en a pas, qui va pouvoir négocier, etc., qui va accumuler. Donc c'est le début de l'accumulation. Oui, il y a l'accumulation, puis il y a surtout l'apparition des castes, des classes. Donc le pouvoir, parce qu'après il y a celui qui possède le plus que l'autre. C'est la spécialisation. C'est ça. C'est le fameux spécialisateur. Donc oui, donc c'est. Il y a les potiers, les sociétés, etc. Donc il y a spécialisation, et ça crée des classes, ça crée des castes, etc. Donc tout ça, si on fait de la typologie, on peut l'expliquer facilement. C'est pour ça que la typologie, je vous propose de tous, si vous ne connaissez pas, vous intéresser à la typologie, parce que, à l'économie et la typologie, parce que vous verrez que ça va se retrouver dans la perspective, et ça vous décloisonnera de cette obsession de l'économie occidentale sur la rentabilité, le profit, l'efficacité productive. Alors là, tu proposes qu'on fasse quoi en termes d'économie? Alors bon, moi je n'ai pas de proposition, le clé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de proposition à qui fournir en tant qu'anarchiste de la future économie anarchiste. Ce que je sais, c'est que j'ai des pistes à proposer. Bon, je peux vous donner quelques-unes comme ça indicatives. Dans mon texte, vous avez déjà entendu parler déjà du fédéralisme. Il parlait de fédéralisme. Bon, c'est évident que si on veut détruire le capitalisme tel qu'il est actuellement, on est dans un capitalisme qui n'est plus le capitalisme du 19e siècle, on est dans l'économie de marché. Le marché, c'est pas la globalisation, en fait, comme on commence à essayer de vous faire manger à la télé, ou la mondialisation. Le marché, en réalité, ce sont des marchés transnationaux qui se sont créés et qui, bien sûr, travaillent en réseau. Bon, on connaît, par exemple, en Europe, il y a l'ALENA, il y a tout ce type de marché, il y a la communauté européenne, l'ALENA, le Mercosur, je ne sais pas si vous connaissez tous ces marchés. Bon, il y a tout un tas d'ententes, disons, entre les différents groupes de pays, où coup, ils font interagir leur échange économique. Et ces échanges économiques, c'est toujours des exportations. Exportations. C'est-à-dire que là, on est dans une externalité de l'économie. C'est-à-dire que l'économie, elle n'est plus à l'intérieur des pays. D'ailleurs, on le voit bien, aucun pays, même les États actuels, ils ne peuvent rien faire sur l'économie. Ils n'ont plus d'action. Si la seule action qu'ils ont, c'est celui qu'ils font, c'est-à-dire serrer les bourses, c'est tout, c'est-à-dire créer une pénurie. Mais pour pouvoir favoriser toujours l'économie externalisée. Et ceux qui gagnent le plus d'argent actuellement, ce sont les élites quand même transnationales, c'est-à-dire les actionnaires qui ont fait leur argent dans les firmes transnationales, qui se font les machines à mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'externalisation, c'est-à-dire la macroéconomie, parce que l'externalisation, c'est les exportations sur les échanges extérieurs. Donc ça s'appelle en science, entre parenthèses économiques, la macroéconomie, ça s'appelle. Je ne sais pas ce que je disais, ça fait appel oui, au macro-monde, avec différents pays, donc c'est la macroéconomie. Si on veut revenir à une économie réelle, il faut revenir presque aux dimensions d'Aristote. Si vous revenez à Aristote, Aristote définissait l'économie de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il disait que les prochaines, d'une part, il y avait l'économie domestique, celle de tous les jours. Deuxièmement, il y a l'économie politique, parce qu'on ne peut pas dissocier l'économie du politique, puisque le politique, c'est ce qui permet de mettre en place l'économie. C'est ça, l'état de l'économie. La politique, c'est la police, c'est la vie de la cité. Donc, automatiquement, c'est l'organisation de l'économie, de la production, etc. C'est évident. On ne peut pas dissocier. Et troisièmement, bien entendu, il y a la morale, l'éthique, c'est-à-dire la philosophie morale. Donc, il faut mettre la morale dans l'économie. S'il n'y a pas de morale dans l'économie, comme actuellement, en fait, il n'y a pas une morale, on pourrait dire, de bon aloi, puisque ce sont les plus riches qui s'enrichissent, et les peuples sont en train les moins occidentaux, toujours s'appauvrir, quoi. Parce que, bon, il y a des peuples encore, il ne faut pas oublier, il y a des peuples en Amazonie, il y en a certains qui vivent encore des nations. Parce qu'on a tendance à voir toujours ça, donc il y a encore des chasseurs, ils sont peu nombreux, malheureusement. Mais il y en a encore. Une autre question par rapport à ce que tu avais évoqué. Tu as cité plusieurs propositions théoriques venant des anarchistes, tout en disant que c'est vrai qu'on nous fait souvent remarquer qu'on a peu de théoriciens en économie. Et je me demandais si ce n'était pas parce que justement on a plus d'expérimentateurs, c'est-à-dire que ça a toujours plus intéressé les anarchistes d'essayer concrètement de faire d'autres choses à côté du système global plutôt que justement de planifier quelque chose qui serait théoriquement d'abord proposé. Et donc je me demandais, bon, est-ce que, peut-être tu vas en parler voilà, par la suite, mais parce que du coup, il me semble que c'est toujours le cas à l'heure actuelle et que peut-être ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui dans les alternatives actuelles est vraiment proprement anarchiste. Et je pensais par exemple, je ne sais pas si tu vas parler des coopératives intégrales voilà, dans le nord de l'Espagne, parce qu'il y a justement une idée de passer à une échelle supérieure, c'est-à-dire c'est une personne alternative qui est en marge du système, puisqu'elle a pris, a pris sur le fait que bon, renverser le système tout de suite là, ce n'est pas possible, donc c'est dans une idée de transition, effectivement. Mais avec une visée vraiment de passer à une vitesse supérieure par rapport à ce qu'on simple, à une petite coopérative agricole comme le MoMA, etc., en disant qu'on va essayer de remplacer intégral, quoi, d'arriver à une intégralité de toutes les productions nécessaires aux besoins, donc évidemment avec plus grande échelle, avec plus d'échanges, etc. Donc voilà, donc, je me disais, mais surtout, est-ce que ce qui est intéressant finalement, c'est ce sont les théoriciens ou bien c'est les expérimentateurs Voilà, justement, alors moi c'est ce que j'écris dans la deuxième partie de mon texte, que je ne voulais pas vous traduire, parce que ça c'est moi, au moment en fait de lire toujours, comme ça, je ne sais pas trop. En réalité, en fait, c'est vrai qu'on est pour l'expérimentation, je l'ai dit, mais en fait, c'est ce que Patrini appelait le fait de la propagande par le fait, c'était ça. La différence de la propagande par le fait, c'était pas de mettre des bombes, au départ, c'était justement d'essayer de transformer la société par des réalisations pragmatiques, c'est-à-dire réelles. Comme par exemple les AMAP actuellement, ou je prends le gouvernement des AMAP qui n'est pas parfait, mais rien n'est parfait actuellement. Oublier qu'on évolue dans ce monde capitaliste, donc ils sont, puis même le côté, il y a le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le coopérative en fonction quand même surmontée, elle peut très bien s'insérer aussi dans le système capitaliste. Oui. On le sait. Donc c'est pour ça qu'il bon, faut prendre tout ça avec, disons, certains reculs. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à expérimenter, ça c'est certain. Puisque c'est le rôle, c'est ça l'action de l'anarchisme, c'est d'expérimenter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut, si on a, si je préfère, on a des actions qui peuvent devenir théories, c'est-à-dire d'avoir l'action, faire la mise à Paris, on peut en déduire donc, des théories, c'est-à-dire après, justement, dire, tiens, ça va fonctionner, on peut le mettre en place. Il faut quand même qu'il y ait des théories d'action, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi, des fois, des théories qui soient mises un peu avant l'action, c'est-à-dire qu'il la favorise. Parce que souvent, le problème, c'est que voilà, on est trop basé là-dessus, les anarchistes, et on en oublie, en fait, d'avoir un plan d'ensemble théorique. Et le plan d'ensemble théorique, il ne se fera pas en métal comme ça, du jour au lendemain. Il faut quand même en discuter. Il faut en avoir une idée. Une idée qui n'est pas fixiste, c'est-à-dire que bon, l'idée qu'on va en avoir aujourd'hui ne sera pas celle qu'on en aura demain. Parce que peut-être l'environnement est naturel, peut-être aussi, proposera notre contexte, parce que l'économie, n'oublions pas, est aussi contraint par son environnement naturel aussi. Parce qu'on oublie, mais il y a toute une pression écologique aussi qu'on pourrait inclure dans l'économie, aussi, c'est très lié. Donc l'économie, c'est un monde complexe en réalité, c'est comme l'on dit. Donc en réalité, l'économie, quand on parle d'économie, il faudrait parler de tout. Il faudrait parler de, aussi bien de culture que d'écologie, c'est pour ça que c'est un sujet qui est très beau. Mais il faut avoir cette approche pour un peu déblayer le terrain. Parce que le fait de ne pas du tout proposer d'alternative économique nous fait passer auprès des gens pour des rigolos. On dit, oh, c'est des utopistes, cela. Ils parlent, mais ils n'ont rien à proposer. Quand on voit à l'économie, alors l'économie, ah, mais oui, mais après la révolution, là, ça c'est des solutionnistes, après la révolution, on décide, le peuple décidera. Non, le peuple ne décidera pas plus que. Mais il faut quand même un peu l'éduquer. On est aussi des éducateurs, les anarchistes. Donc pour éduquer, il faut quand même proposer. On ne peut pas éduquer ça. Vous parlez de la population extérieure au mouvement anarchiste, mais au sein du mouvement anarchiste, la proposition de part à la proposition économique, ça va être d'elle-même. Puisqu'on n'a pas de. Si on veut concrétiser les propositions des paritiques, il faut bien passer par les phases concrètes et les théoriser. Voilà. Et la phase concrète, donc, qu'il avait posé le jeune homme, c'était pour casser contre justement l'externalisation de l'économie, c'est-à-dire cette macroéconomie donc, qui nous domine, cette économie de marché transnational. Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire, c'est à revenir en fin de compte à une économie locale. Et pas une économie locale, mais une institution qui reste que locale. Il faut qu'elle soit fédérale aussi. C'est-à-dire que le local, alors, en fait, il faut décider d'une coupure administrative. Parce qu'en réalité, le véritable terme de démocratie, démos, ce n'est pas que le peuple. Démos, c'est aussi une partie administrative, si je préfère, de l'Attique. C'est-à-dire que l'Attique était découpée en dèmes, ça s'appelait des dèmes. Et ceux qui avaient le droit de parler, c'était les habitants de chaque dème. Donne les démons, le peuple des dèmes. Donc ça n'est pas que le peuple, c'est aussi, si tu préfères, pour nous, pour dire la commune, par exemple, pour l'arrondissement. Donc en fait, il faudrait que ça parte, les décisions, il faut qu'elles partent en réalité des besoins des communes en réalité, et qu'elles remontent progressivement. Et là, bon, on a le matériel pour faire cela. On sait que nous, on est quand même pour. Mais bon, il faut éviter aussi l'assembléiste à tout cran, parce que la démocratie dite directe, moi je dis essentiellement, je suis contre la démocratie dite directe, parce qu'il faut des assemblées sans arrêt, et discuter sans arrêt. Donc il faut savoir déléguer. Et pour déléguer, il faut mandater. Donc, à travers nous, les anarchistes, le mandat impératif, on avait un instrument qui était excellent. Et qu'on n'arrive pas à expliquer aux gens l'intérêt du mandat impératif. Le mandat impératif, c'est que tu dois t'en tenir à ce que ta collectivité t'a donné comme mandat. C'est-à-dire que donc tu rapportes exactement ton mandat dans un autre collectif. Et bien entendu, il faut des collectifs qui viennent d'appeler régionaux, on peut dire départementaux, pourquoi pas en France, mais bon, ça n'existe pas dans les autres pays. Mais fait du moins régionaux. Et puis, bien entendu, après par pays. Bon, il puis, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que l'anarchisme, il ne faut pas attendre que ça se fasse dans le monde entier, d'un seul coup, parce que ça ne se fera jamais dans le monde entier, d'un seul coup, ce n'est pas possible, avec les disparités déjà culturelles sur la planète, c'est impossible. Donc, il faut savoir essayer de monter une comme je dis, donc en prévoyant d'abord une période de transition, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut passer aussi du capitalisme, progressivement, à une société socialiste libertaire. Donc on peut passer à des monnaies alternatives, comme les monnaies fondantes, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la monnaie fondante, c'est-à-dire en place de prendre de la valeur en terre. C'est-à-dire que si vous avez une monnaie, si vous ne l'utilisez pas de suite, si vous attendez 15 jours, elle aura perdu de la valeur. Même si donc ça, ce sont des monnaies qui ne peuvent pas être cumulées, capitalisées. On peut revenir sur ce que tu as dit, sur l'écologie et l'implémentation de l'écologie dans l'économie. Moi, je pense qu'il faut un peu étendre les choses là, parce que je pense que la théorie anarchiste était toujours très forte quand il s'agissait de critiquer le marxisme sur ce champ-là. Ça veut dire, pour moi, une grande partie de l'économie anarchiste, c'est, en tant que critique du marxisme, la critique des forces productives. Ça, c'était la naissance économique, on peut dire, de l'écologie. Et ça, si on veut vraiment aller un peu plus au profond de l'histoire, on peut toujours dire qu'au sein de l'anarchisme, il y avait toujours deux courants, on peut dire un peu contradictoire. Par exemple, dans le proudhonisme, on a un anarchisme artisanal avec une vue, on peut dire rationnelle, que l'artisan est capable, et c'est ça, c'est sa liberté, de se concevoir un produit et de le faire lui-même. Et là, par exemple, je mets en trait, par exemple, que je trouve une grande économiste, anarcho-syndicaliste Simone Weil, qui a repris cette conception artisanale. Et à côté, on a toujours un courant anarchiste, par exemple, moderniste, prônant le progrès, prônant les nouvelles technologies. C'est aussi un débat sur la technologie au sein de l'économie. Par exemple, on a même... Dans Diego Abad de Santillán, on a jusqu'aux années 20 qu'il a prôné la critique de technologie, plutôt en tant que porte-parole de l'anarchisme agraire en Espagne. Et puis il a complètement changé son vision au début des années 30. Il a même allé jusqu'au le soutien de taylorisme. En tant qu'organisation industrielle, et il voulait le couper du capitalisme. Mais c'était une vision complètement productive, de déclencher les forces productives. Et là, je pense qu'il y avait toujours ces deux courants au sein de l'anarchisme. Mais avec le mouvement écologiste moderne, moi, je pense plutôt, je dis des noms comme Murray Bookchin, aussi, par exemple, le marxiste libertaire anglais Edward P. Thompson, qui a aussi prôné une conception de l'économie morale, comme tu as exigé. Je pense que ça penchait dans les dernières décennies un peu sur cette critique de la technologie moderne, et là je pense qu'il y a la force du théorie anarchiste, actuelle aussi. Oui, c'est ce que tu dis, c'est vrai, tout ce que tu viens de dire, c'est exact. C'est-à-dire que les anarchistes sont toujours partagés entre une forme de conservatisme et de progressisme. Mais le problème, c'est de savoir ce qu'on entend par progrès et ce qu'on entend par conservation. Parce qu'il y a des choses très bonnes à conserver et des progrès qui défastent. Donc le tout, c'est pas tellement une histoire de progrès, c'est une histoire de conception qu'on a du progrès. Bon, si c'est le progrès social, parce que les anarchistes, c'est surtout le progrès social, plus que le progrès scientifique, quand même, qui est le premier. Bon, il supputait que certains progrès scientifiques permettraient peut-être de favoriser le progrès social. Donc ça, c'est... Et c'est pas toujours... Mais on le sait que le progrès là, est un peu tranchant. Parce qu'en fait, le problème, c'est le problème du lien... sociale de la nature. C'est-à-dire qu'en réalité, la nature, elle produit elle-même du matériel. Ce matériel est transformé par l'homme. En réalité, il y a deux formes de matérialité dans le chez l'homme. Il y a une matérialité qui est naturelle, qu'on emprunte à la nature, et après, il y a une matérialité que nous créons de toutes pièces par nous-mêmes. Et c'est dans cette matérialité qu'il faut faire attention, parce que des fois, donc, on peut créer des matérialités qui sont néfastes en particulier, en plus à la nature, qui elle-même nous apporte les matériaux de base. Donc c'est très compliqué. Donc, ce qu'il faut arriver, c'est justement au niveau social, d'avoir une conception de ne pas détruire la nature. Par exemple, on peut très bien produire maintenant ce qu'on appelle l'Uberson Verso. Enfin, en anglais, je ne sais pas si ça s'appelle donc, c'est-à-dire tout simplement entièrement recyclable. C'est-à-dire de faire du matériel qui, quand il est au bout d'utilisation, on puisse entièrement le recycler. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est jeté, il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire qu'il redevient le berceau, on refait naître de la matérialité de ces déchets-là. Donc ça, c'est tout ça, c'est faisable. Tous les ingénieurs le disent, on peut continuer le besoin, il y en a même, je crois, qui veulent faire un coopérative là-dessus, pour gagner des bons. Mais si je ne me trompe pas aux États-Unis, ça ne m'étonnerait pas. Parce que... Donc il y a des tas de possibilités donc, pour de pouvoir justement interagir avec la nature intelligemment. Moi je suis justement, ce que j'insiste, c'est que le projet qui est libertaire, contemporain anthropologique, il est nécessairement lié à la nature. Parce que l'homme, son économie ne vit que de la transformation de la nature. Donc sans rapport à la nature, il n'y a pas d'économie. Donc automatiquement, si nous ne respectons pas la nature, au bout d'un certain temps, nous disparaîtrons tout simplement. Notre économie ne fonctionnera plus. Donc nous sommes obligés, qu'on le veuille ou non, de tenir compte de la part entière de la nature dans la vie. Et c'est là où il faut s'organiser. Alors quand je parle du plan local et de toute cette organisation, justement là c'est intéressant parce que c'est au plan local qu'on est auprès de la nature, qu'on voit les choses de manière réaliste. Ça ne peut pas être un technocrate, un technocrate d'État perdu là-bas à Paris ou dans un ministère qui a parvu de l'esprit, va pouvoir vraiment avoir une idée réelle de ce qui se passe sur le terrain. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que ce n'est pas la compétence intellectuelle, que c'est la compétence de tout le monde de pouvoir interagir dans une société. En particulier, je suis contre le fait de ne pas faire une différence entre le travail intellectuel et le travail manuel. Très important. À ce propos, moi aussi je pense qu'on pourrait faire une différence entre libertaire et anarchiste. Moi je la ferais là, que quelqu'un qui est libertaire, c'est quelqu'un qui a des idées anti-autoritaires, que quelqu'un qui est anarchiste, pour moi, c'est très rare. Il y en a, mais c'est vraiment rare. Ça veut dire le pratiquer, c'est-à-dire dans sa vie concrète et quotidienne, essayer de vivre sans soutenir l'État et sans être soutenu par lui, sans soutenir le capital et sans être soutenu par lui, sans soutenir d'autres formes d'autorité et être soutenu par elle. Est-ce que toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu essayes de faire? Pour moi, le libertaire, c'est quelqu'un qui est attaché à la liberté et au droit individuel. Je dis ce que j'ai écrit parce que je comprends de quelque part. Alors que l'anarchisme est avant tout anti-autoritaire et socialiste. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que l'anarchiste, c'est tout ce qu'il préfère, c'est toute une théorie, une idéofortiste, et qui porte toute une théorie économico-politique en réalité. Parce que, et même, je dirais même une sociologie. Parce que c'est ça, c'est tous les rapports sociaux qui sont importants pour arriver à faire une économie égalitaire. Donc, pas égalitariste, c'est pour ça, parce qu'on n'arrivera pas à y avoir des égalités. C'est malheureusement de capacité physique, mentale, comme ça, on ne peut malheureusement pas les enlever. Mais on peut pas tout le monde proposer, avec ses capacités, à faire quelque chose avec une société. Et deuxièmement, c'est pour ça que moi, personnellement, je suis assez favorable pour qu'il y ait contenu, disons, je ne sais pas ça, une dotation une dotation d'autonomie, ou une dotation d'existence au départ. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près la même dotation. Et après, ensuite, le seul truc, parce qu'on sait ce qu'on gagne chaque fois aux anarchistes, c'est « ouais, mais s'il n'y a rien pour relancer la productivité, tout ça, en gros, une carotte, quoi, et qui est là, entre nous, c'est le pognon, mais il faut l'acter, ça ne marchera pas. » Mais moi, je pense qu'il peut y avoir quand même une carotte qui peut être concevable, qui est la créativité le fait de rationaliser les choses, de créer, d'inventer, l'inventivité. Voilà. Alors l'inventivité n'est pas nécessairement intellectuelle, avec les rôles d'inventivité tout à fait manuel. Parce qu'un bon bricoleur peut être beaucoup plus inventif que l'intellectuel. C'est-à-dire un bon bricoleur, certainement, il sera mieux dans la forêt hier que qu'un intellectuel. Je voudrais rebondir à la durée aussi. C'est simplement le fait qu'on a envie de manger. Bon, mais ça c'est par exemple, si on conçoit par exemple la Pézota, comme on fait par exemple les alarmes du 19e siècle, bon, il est évident qu'il faut continuer à produire. Tout à fait. En abondance, plus, parce qu'il faut une abondance. Je suppose que, effectivement, voilà. Ah oui, non, mais la société d'abondance, mais précaire. C'est autre chose, la société d'abondance précaire. Et ça s'en fait une ouais, je voulais remonter sur ce que disait Annick, parce que c'est vrai qu'un projet d'économie mondiale anarchiste, ça paraît complètement insensé. Parce que ça ne peut fonctionner que si le monde entier est anarchiste. Je vois pas un pays, la France anarchiste, et puis plein de capitalistes autour. Ça me paraît complètement insensé. Donc réfléchir déjà sur des projets locaux qui vont se fédérer, montrer l'exemple, et puis se contaminer le reste petit à petit, ça je le conçois mieux. Parce qu'après, bon, effectivement, longtemps, les anarchistes, ça a été, bon, à chacun selon ses besoins, et puis c'est ça, la théorie économique anarchiste, c'est un peu loin. Mais après, imaginons un monde anti-anarchiste, effectivement, il va falloir une économie, entre guillemets, parce qu'il va y avoir une famine dans un pays, donc il va falloir que tel coin qui sera plus favorisé, mais ça voudra dire qu'ils auront accumulé des vivres et qu'ils auront pensé à ça. Mais bon, on est dans une autre dimension, et là on est carrément, même pour moi, c'est presque de la science-fiction, là, parce que... Peut-être que c'est important aussi de garder l'idée de la diversité, c'est-à-dire que aussi, ce qui est un peu gênant dans l'idée de une théorie générale, c'est comme s'il n'y avait qu'une forme d'économie qui pouvait marcher. Alors que, enfin, moi j'aime bien l'idée des abattistes, par exemple, qui disent un monde où entre plusieurs mondes. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est qu'elles soient compatibles, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui empêche les autres de se développer comme c'est le cas actuellement. Mais en fonction non seulement des régions, de ce qu'elles nous offrent comme possibilité, mais aussi en fonction des désirs des gens. Il y en a qui ont plus le désir de ne bosser plus, ou au contraire de cueillir, enfin, de laisser plus venir, etc. Et bien, en fonction des désirs, ça peut être très différent. Et il me semble que ça empêche un peu aussi la proposition d'une théorie, parce qu'on se dit immédiatement qu'on en proposer plusieurs. C'est comme si là déjà, donc la concurrence tue la concurrence. C'est-à-dire qu'on peut proposer si on peut faire un fil d'arrière. Mais après chacun va s'adapter sur ce fil d'arrière. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ta conception, puisque bon, je lis pas mal aussi ce qu'on appelle les populations indigènes ou anarchistes, c'est-à-dire comme au Pérou, où sous des formes indigènes, des Indiens, ils s'appliquent aussi des conceptions anarchistes, et ils mélangent leur tradition avec des conceptions anarchistes. Donc c'est possible. Donc moi je suis pour la variabilité, c'est vrai, des économies. Parce qu'il y a des cultures différentes, on ne va pas imposer à quelqu'un la même économie, alors on va de nouveau acheter comme on fait nos anciens socialistes, quand ils ont colonisé l'Algérie, maintenant Chine en France, pour les Français, on est soi-disant Français, qui ont imposé en fait de quoi leur vue sur la laïcité, sur tout ci, cela, sur leur propre. Non, la conception de la République, la centralisation des pouvoirs, moi je suis contre ça. En tant qu'anarchiste, il faut laisser la liberté, donc si on laisse la liberté, il faut laisser à toutes les populations à concevoir leur économie à leur manière. Mais toujours dans un souci de supprimer la domination de l'homme par l'homme. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc, ce qu'il faut faire, de faire travailler le lien social, tout lien de la société, c'est-à-dire des liens sociaux. Ce sont les liens sociaux, parce qu'en fait, les classes sont créées à cause de la différenciation sociale que justement les hommes sont créés de manière imaginaire pour se mettre dans une carapace sociétale. C'est-à-dire, nous on a un modèle où on a des classes et on rentre dans ces classes. Parce qu'on nous dit, petit, toi, tu fais partie de cette classe-là, le fils ouvrier, lui, ce qu'il veut, c'est être lié comme son père, souvent. Il veut reproduire le schéma familial, et il y en a qui veulent s'en sortir, mais pas nécessairement. Et on dit, si on peut faire, on se crée notre propre autodomination, il ne faut pas l'oublier. Et c'est justement au niveau des liens sociaux qu'il faut déconstruire cette classification entre nous. En tout cas, le boulot va être énorme, parce que le capitalisme a créé des mondes complètement différents entre les communautés agricoles qui savent produire à manger, et puis nous qui sommes des urbains, on est incapables de rien foutre, quoi. Enfin, on sait quoi, on s'est enseigné, on ne sera même pas capable de produire notre groupe. Donc là, il y a... Après, tu parles de période de transition qui va... Oui, la période de transition, effectivement, elle va être balèze, parce que là, il faut qu'on rapprenne tout. Et en commençant par l'éducation, où aux enfants, il faut que, comme faisaient les écoles libertaires, où on leur apprenait des travaux manuels, à faire du jardinage, et à apprendre à compter, et à pas être un concurrent sur l'autre, etc. Mais bon, là, il y a du boulot, vraiment. Ça fait l'heure qu'il est malade. Non, c'est que nous, on a un apprendre. C'est pas que nous qui allons apprendre. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a eu, à partir du 14e siècle, l'hégémonie sur l'ensemble du monde d'un mode, certain mode de production capitaliste, qui a détruit la plupart des autres types d'économies, c'est-à-dire que c'est pas seulement nous qui allons apprendre, c'est-à-dire que la plupart des pays en Afrique, etc., c'est la même chose, hein, sur les zones rurales, etc., les paysans, qui sont soumis. Mais quand je dis nous, c'est le monde entier, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui étaient autosuffisants, je veux dire, autosuffisant en termes de rimes, etc. Il n'y a pas de point. Tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il faut faire une théorie générale, pas théorie générale, il n'y a pas les comptabilités. Une théorie générale, c'est quoi? C'est simplement un truc très simple, hein. C'est-à-dire qu'on voit, je veux dire, un concept, hein, et après, c'est comment ce concept, c'est-à-dire, il s'adapte, je veux dire, en fonction des pays. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait du chasseur de lion, des politiques, on voit dans les périodes historiques, on va. Eh bien, il y a des populations qui ont une période historique déterminée, que ce soit en Chine, en Afrique, en Europe, et dans les Amériques, il y a ce passage, et donc ici, bien sûr, ces populations ne sont pas téléphonées. Il y a ce passage, un type de mode de production, un autre type de production, c'est bien intéressé au néolithique. Et bien sûr, avec une appropriation différente. En Chine, en Asie, c'était le riz, en Afrique, c'était le blé, etc. Et dans les Amériques, le maïs, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, genre, à chaque fois qu'on se concevoir en tant qu'opposition, locale ou globale, non, il y avait bon, à l'époque, vous savez, je veux dire, agir local, penser global. Mais ça, c'est pas de la théorie, justement. C'est Vraiment, il n'y a pas d'opposition entre théorie et machin, parce que, comme tu sais, j'avais le cerveau sans la main, et j'avais la main sans le cerveau, j'ai des alarmes, le robin, etc., dans le trottoir, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, on a trop dans la tête ces manières séparées de penser les choses, alors que bon, je veux dire, c'est une unité. Après qu'on a un regard sur les choses, un temps de recul, c'est autre chose, mais dans un même moment, tu vois que les mecs, les paysans, ils ne pensent pas comment ils se font, même s'ils se font déposséder, enfin, ils se retrouvent toujours dans la même situation. Il y a toujours le cerveau et la même. Alors après, c'est ton rapport de domination, ton rapport à la production et ton rapport aux autres. Mais je veux dire, en plus, bon, ces trucs-là, c'est la philosophie, la théorie et la pratique. Enfin, je veux dire, ça veut dire que tu mets ton corps, un corps schizophrénique, un corps qui serait, je ne sais pas où, sur Mars, tu vas l'autre là. Le point, après, on ne sait pas comment faire. On n'a pas réfléchi, je veux dire, on n'a pas les moyens, ça c'est autre chose. Mais tu es toujours dans ton corps, tu as ton activité neuronale, ton activité musculaire, etc. Après que tu n'as pas les moyens, je veux dire, parce que tu n'as pas les faux, machin, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pu réfléchir, ok. Mais tout le temps, tu es un être, je veux dire, qui a une activité neuronale, musculaire, etc. Et c'est tout de même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de séparation entre la théorie et la pratique. Enfin, il y a peut-être des mauvaises théories, des mauvaises pratiques, mais ça c'est autre chose. Non, mais je ne conçois pas les trucs comme ça, c'est pareil. Ensuite, je suis pour finir. Parce que ce que vous faites là, pour moi c'est très intéressant, parce qu'effectivement, depuis des années, depuis les années 60 peut-être, il n'y a plus ces discussions qui pour pour moi, l'élément capital du mouvement du mouvement libertaire, enfin, je ne rentre pas dans ça, c'est une autre position, je ne suis pas trop c'est comme un fait, qui est fondamental dans le mouvement libertaire. C'est-à-dire qu'effectivement, tu disais que le 19e siècle, avec l'Association internationale des travailleurs, etc., il y avait une appropriation de ça, de ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est une phrase que j'avais dit, apprendre la science de notre malheur. C'est-à-dire s'approprier les questions sociales et économiques, parce que ce qui nous distingue fondamentalement des autres courants, c'est notre anti-politisme, je vois. Hein, parce que pour moi, il y avait, dès le début du mouvement de l'émergence du mouvement social, entre deux conceptions qui sont très simples, révolution politique et révolution sociale. C'est-à-dire, est-ce que pour changer le monde, on passe par la captation du pouvoir d'État et après, par retour, on change les rapports économiques et sociaux, ou alors, et c'était la position des libertaires et d'autres qui se retrouvaient sur cette situation-là, ou est-ce que directement, on change les rapports socio-économiques, etc., sans passer par le pouvoir politique. Voilà. Bon, effectivement, en Allemagne, il y a eu le basculement, les anarchistes vont mettre à la porte des congrès internationaux socialistes, etc., et le socialisme politique domine. Et donc, il n'y a plus que tout est politique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, même interrévolutionnaire, que pour faire la transformation du monde, que passer par les structures d'État, c'est-à-dire par le politique. Et même nous-mêmes, on a été, même si on a perdu cette bataille, on a même été bouffés idéologiquement, dans notre pensée, sur ce truc politique. Et d'ailleurs, la plupart des années, on a basculé là-dessus, et tout ce problème qui restait encore dans les dernières années, à partir de ces mécanismes révolutionnaires, qui est une appropriation directe, confrontation patron, je veux dire, ouvrier, alors je termine, et tout ça, pour moi, c'est tout ce que vous posez comme point, c'est une reprise de tout ça. Parce que souvent, dans la tête, quand on vous dit non, pour moi, c'est fondamental, anthropologie ou socio-économique. Et c'est pour moi ça le cœur du problème, de tout notre problème. Voilà, Anne et puis Michel. Moi, je serais très bonne, pour revenir à comment on décline c'est des déclinaisons, en fait, pour moi, de concept. Par exemple, je parle fédéraliste, mais voilà, ça, c'est un concept de base, et ça peut être un vétérinaire à retirer, et le fédéralisme, c'est se fédérer, c'est des groupes qui se fédèrent entre eux, qui font des échanges, qui... Voilà, ça c'est un concept. Maintenant, il peut être décliné de telle manière à tel endroit, de telle manière à tel endroit, mais voilà, c'est juste ça que je voulais dire, pour te répondre. Voilà, c'est un concept, ça se décline, après dans la pratique. Mais il faut conceptualiser, avoir des lignes sur lesquelles on marche, et parce que... pas tous les concepts sont égaux, quoi. Il y a des concepts aussi, ce ne sont pas les mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe si une communauté anarchiste ne peut pas se fédérer avec les autres? C'est pour rester toute seule dans son coin. Voilà, alors... Elle a le droit ou pas? Oui, bien sûr, mais c'est une autre manière de vivre. Donc ça veut dire que déjà le mot fédéralisme est trop large. Non, déjà, il a le droit à tout le monde. Non, mais c'est comme ça que... Excuse-moi, je reprends la parole pour lui répondre directement. Parce qu'on parlait de, justement, dans le cadre des échanges mondiaux. Donc, dans le cadre des échanges mondiaux, chacun est libre aussi de vivre en autarcie. Mais la survie des êtres humains, elle passe par une société et par une échelle solidaire parce que la Terre est vivante. Et nous, on fait partie de cette Terre et c'est un processus qui marche, où tout marche ensemble, en fait. Et voilà. Bon, maintenant, on peut très bien choisir de vivre en autarcie. Je ne crois pas la vie, Qui serait autosuffisant. Mais c'est un projet que tu... Après, il y a des gens, on ne peut pas empêcher des êtres humains de vivre en autarcie. Et s'ils y arrivent, et s'ils sont autosuffisants. Tu penses le projet mondial dans ta tête individuellement et tu la plaques sur une réalité historique présumée. Mais ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que le monde a toujours été monde et il y a toujours eu, dans la réalité historique, hein, pas sur un projet, sur le papier. Et toujours, il y a des sociétés de l'échange depuis que l'homme existe. C'est-à-dire, quand tu dis s'il y en a qui n'ont pas envie, d'accord, dans une réalité historique, c'est possible, mais il y a toujours, à minima, toujours une interaction, c'est-à-dire que ce soit ce qu'on appelle le commerce silencieux ou un truc comme ça, mais toujours, parce que le monde, de toute façon, vu actuellement, plus avec l'état de la population mondiale, des échanges et des interactions, tu vois, Rab, poser ce problème, c'est carrément, c'est presque mettre un faux problème. Quoi. Parce que de toute façon, il y a des nécessités qui sont dans le monde et qui sont là. Je veux dire, après tu dis, je ne veux pas avoir affaire à des gens, ok, mais le rebellion que vous voulez, ça n'existe que dans les livres. Je veux dire, et c'est une vue de l'esprit qu'on peut avoir, mais dans la réalité historique, non. Tu peux réduire tes échanges éventuellement, si la communauté le veut. Mais après. Oui, là, oui. Et puis il arrive avec sa propre projet de société dans la tête. Oui, non, mais il y a plus de thèmes. Oui, mais il y a presque sur le papier. Le taxi n'est pas forcément choisi non plus. L'autarcie, ça avait été proposé par certains anarchistes, en particulier dans les années 50, il y avait beaucoup de mots. Il y avait beaucoup de systèmes de revenir, ils font l'autarcie. Mais bon, le problème de l'autarcie, c'est que. Moi je vais voir la 14e communauté dans les années 60, la 14e communauté, il fallait bien qu'on allait vendre nos marchés. Quelque part, qu'on allait les vendre sur les marchés capitalistes. Ouais, puisque quand tu vas dans le village, je suis désolé, tu fais de, y a de l'argent, tu fais du commerce capitaliste. Ouais, okay. Tu ne peux pas sortir. Peut-être tu dans le système capitaliste, si tu veux sortir, il faut le faire au moins au niveau de, déjà d'un pays. Hein, parce que autrement, tu ne peux pas sortir. Et déjà au niveau d'un pays, il faut pouvoir créer un système bancaire parallèle pour pouvoir avoir de la monnaie pour faire des échanges dans les pays capitalistes. Mais c'est son projet. Alors que si on regarde actuellement ce qui se passe, ce qu'on appelle les villes en transition, les gens qui sont là dedans, les amas, les SEM, etc. Dans la réalité historique actuelle, il n'est pas besoin de se projeter sur ce papier dans une société idéale. Actuellement, il y a, mais déjà avant ça existait aussi avec le commerce de l'Égypte, il y a toujours eu des tentatives, parce qu'encore une fois, sinon on a besoin effectivement d'une manière séparée. Les choses le sont là, historiquement. Il y a toujours eu des individus qui ont essayé de faire, alors ça marche ou ça ne marche pas, hein, ça c'est pas le problème. Mais c'est là. Et quand tu vois actuellement, les mecs ne se sont pas téléphonés. Au Japon, à différents là. Il y a ce moment, parce que c'est, et ça c'est une réalité, comme tu disais, anthropologique, sociologique et historique. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder. Plutôt que de dire comment je pense le monde, je veux d'abord comment. Déjà, il y a des gens qui sont différemment, qui sont là, hein, qui existent. Hein, les Amapes, les Selves, regardez l'Argentine, les Piteros, vous allez même l'État est obligé de reconnaître ce système de Selves. Dans les années 2000, je crois que c'était pas dans les périodes de crise atlantique. Parce que les mecs, ils se retrouvent entre eux, ils ont pris de fait les entreprises, ils reconstituent, ils travaillent sur le système. Non, mais voilà, le moment. Non, mais après encore une fois, il faut voir que c'est un point de lutte. C'est un point de lutte. Les apatistes, parce qu'on voit toujours le truc armé, etc. Mais ils mettent en place des écoles, etc. Des systèmes d'échange, etc. Mais si on regarde et qu'on a les efforts, on voit que les choses se font, plus ou moins. Voilà. Après, effectivement, c'est une confrontation, ça c'est sûr. Hein, je veux dire, bon, les apatistes, ils ne sont pas là, ok, c'est mort, le gouvernement qui vient, allez-y. Alors, ça c'est sûr. Il y a toujours cette confrontation-là. Ça, moi, ce que je voulais, voilà, c'était notre ami Bénard tout à l'heure posait tout le problème aussi de Proudhon. Donc, par exemple, ce n'est que le fédéralisme serbe proposé par Proudhon, mais bien sûr, on ne peut pas rester au fédéralisme proudhonien ou proudhonien. Parce que, comme le disait Bénard, c'était basé sur une conception artisanale, etc., une conception très du 19e siècle. Donc, on est plus au 19e siècle. Il ne faut pas oublier que nous, il y a de l'aérospatiale, il y a des industries très compliquées. Donc, il faut pouvoir aussi. Même si on a décidé un jour d'arrêter les avions polluants parce qu'on est écolo et de faire d'autres types d'avions, on essaie de supprimer carrément l'avion pour favoriser des transports partout, le sous-marin, le train, tout concevoir. On est capable de créer là. Est-ce que tu veux des anarchistes au projet des aéronautiques spatiales, quoi? Tu veux faire une commune anarchiste au Mars? Non, c'est ce que je voulais. Non, mais je reste que justement, si on reprend de la productivité, on va pas laisser aux capitalistes. Pourquoi on laisserait, surtout si on est en concurrence avec des pays capitalistes, on va pas laisser aux capitalistes le champ de l'aérospatial si on est capable justement de prouver. par une production purement libertaire qu'on peut faire aussi bien que les capitalistes. Pourquoi ils le feront pas? C'est d'autres avis. Parce que tu as déjà mentionné Proudhon. Proudhon a fait tous les deux, le fédéralisme et cette vision artisanale avec la conception d'un produit et la liberté artisanale de construire. Et là, je pense aussi aujourd'hui, quand on a parlé maintenant des économies indigènes, des cultures différentes, et toi, Philippe, tu as parlé de capitalisme, mais tu as un peu parlé, si je me souviens bien, de qu'il crée des situations différentes. Moi, je pense pas. Moi, je pense que le capitalisme, surtout mondial, crée des situations pareilles, partout. Ça veut dire, par exemple, en campagne, des monocultures avec les ONG, partout. Et les indigènes, ils sont forcés à perdre leur savoir sur les différentes sortes. C'est du modernisme. C'est un fait capitaliste moderne. Et là, si on veut vraiment garder des cultures différentes, des modes de production différents, il faut critiquer fortement cette conception de modernisme. Ça va ensemble. Oui, mais on ne peut pas opposer, si tu veux faire tout ce qui est l'industrie technique, technoscientifique, et l'agriculture. Là, tu ne veux pas prendre l'exemple de l'agriculture. Bien sûr qu'on peut faire de l'agriculture paysanne, essayer de revenir à des productions un peu plus intéressantes en vivant, peut-être avec les saisons qu'on a coupées à cause du capitalisme. Il y a des tas de choses qu'on est d'accord avec toi. Mais ça n'empêchera pas que ces structures-là, elles ont été découvertes. C'est-à-dire que ça existe, la production technoscientifique. Et donc cette production technoscientifique, il faudra bien que les anarchistes les prennent en main quand même, d'une manière ou d'une autre. Alors il faudra bien trouver une solution. Je ne dis pas que nécessairement on va continuer dans la peut-être en disant, non, mais en fait, on s'en fout, on ne va pas essayer de conquérir Mars, ça ne nous apportera pas grand-chose. On pourra, mais le problème c'est que quand même, au niveau technique, il n'y a pas que l'aérospatiale, bon, il y a des techniques compliquées, bon, comme par exemple tout ce qui est alternative au niveau justement des énergies, toutes les énergies alternatives. Bon, tout ça, il faudra bien quand même que les anarchistes aussi mettent leur part là-dedans. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ça, dans ce sens-là. Bon, j'avais pris là, justement, un peu par provocation, j'avais pris l'aérospatiale, mais c'était la pierre qui avait manqué. Juste un mot, mais dans l'énergie alternative, tu as les sources d'énergie alternative. Mais comment fait-on aujourd'hui au monde capitaliste? On fait au niveau industriel. On utilise les énergies alternatives d'un mode de production industriel. Voire les éoliens. Tu peux poser un éolien dans un village, dans un jardin, ça produit. Mais il y a promotion d'exploiter tout ça à un niveau industriel. Et là, il faut une, comme il y a des débats, des méthodes aujourd'hui, mais des croissances, par exemple. Oui, mais là, l'économie anarchiste, c'est une économie de besoin. C'est-à-dire que d'abord, il faut répondre aux besoins. En gros, on pourrait dire qu'il y a deux besoins, le besoin primaire, donc les besoins fondamentaux. Donc je considère que tout le monde devrait avoir accès à payer, d'ailleurs. Parce que les besoins fondamentaux, bon, c'est... Bon, alors actuellement, ici, on peut respirer rapidement, heureusement. L'eau, on a encore à peu près rapidement, je ne dis pas tout à fait, parce que déjà la distribution de l'eau, ça passe pas mal, dans l'eau, ça, déjà. Et quant à l'alimentation, on s'amuse à spéculer dessus. Donc vous avez vu que déjà, l'alimentation, logiquement, c'est un deux. C'est-à-dire, surtout, qu'on sait qu'au niveau capitalisme, c'est l'argent qui se fait dans la distribution alimentaire, avec le gros, le micro, et tous ces gens qui, du producteur au consommateur, ça enrichissent au passage. Donc ça, toutes ces trois choses-là, là, on peut tout à fait lutter contre tout ça. On peut les supprimer. Donc, ce qu'il faut voir, c'est justement, c'est les structures, comme je disais, sociales. C'est très important, c'est au niveau social. Pour justement arriver à décloisonner ces disparités. Olivier, tu ne peux pas. Oui, par rapport disons, à tout ce qui est technosciences, je pensais que peut-être ça peut être parfois très coûteux en termes de ressources. ça peut améliorer aussi tout ce qui est niveau de vie, mais est-ce que vraiment aller dans l'espace, c'est peut-être pas un peu au-dessus des moyens que nous offre la nature actuellement. Donc si on peut être limité à ce niveau-là, ça va être par simplement le fait naturel, voilà. Sans qu'il y ait forcément un refus, bien sûr, de tout ce qui est la science, mais que ça soit harmonisé avec la nature. Mais j'ai même pour moi à l'économie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est soumis à l'économie, est soumis au matériel fourni par la nature. Sans matière première, on pourrait faire. D'ailleurs, le corps initial, il était par exemple la valeur travail, parce que la valeur travail, comme l'unité pour payer, parce que ça, je suis contre l'effort, tout ça, nos camarades là, proposent qu'il faut payer l'effort, il faut des heures de travail. Moi, je suis contre tout ça, dans le sens que, en réalité, la production, ce n'est pas que la valeur travail. Il y a quand même la valeur de la matière première, qui vient de la nature, qui est valorisée par le travail. Puis, il y a l'entretien des équipements, ou de l'administration, ou les séries, de l'administration, quand même, des produits. Donc, automatiquement, il n'y a pas que le travail. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'ils vont mieux parler de valeur productive plutôt que de valeur travail. Il faut mieux réfléchir par rapport à une valeur de production qu'à une valeur de travail. Parce que c'est en réalité, il y a un rapport avec la nature. Et justement, c'est là, au niveau des matières premières, où justement, il faut quand même toujours avoir conscience des ressources naturelles. Et donc, il faut savoir soit adapter une production par rapport aux ressources naturelles, c'est-à-dire arrêter une production si on voit que les ressources naturelles ne sont plus adéquates, ou sont dangereuses pour l'homme, par exemple, si elles sont polluantes, ceci, ça. C'est tout ça. Ça, il faut le je suis entièrement d'accord. Mais ça ne peut se faire justement que dans, à mon avis, qu'à travers des équipes qui vont vraiment s'impliquer là-dedans. Je pense que l'avenir, c'est le travail en équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de leader, il faut que tout le monde soit prégnant et discute dans une conception. Et c'est là-dedans que pourra naître la véritable alternance économique. Mais bon, bien entendu, c'est pour lutter contre toute forme de hiérarchie, les travailler d'équipe, mais si on peut réduire l'autogestion, si vous voulez. Bon, moi, je parle de la gestion directe, mais c'est surtout l'équipe, il faut que tout soit conçu à travers. Plusieurs hommes, mais il y a plusieurs compétences. Parce que chaque compétence, des fois, amène des points que ce qu'un ingénieur, des fois, n'aura pas l'idée. Souvent, c'est des ouvriers spécialisés qui ont trouvé des combines, justement, qui sont très bricolées, qui sont montées au bricolage, à l'intuitivité manuelle, parce qu'on est quand même du manuel et des intellectuels. C'est vrai qu'on est les deux, même. On est tous un peu manuels et décrets. Il y en a qui sont quand même plus intellectuels et qu'on est les autres. Et c'est justement de ne pas les opposer, au contraire, les additionner. Et c'est en additionnant ces gens-là que je pense qu'on peut faire évoluer la production et surtout la rendre plus égalitaire. C'est répondre aux besoins. Il faut que ça réponde aux besoins. Sinon, on ne cherchera pas les anciens aujourd'hui, on ne va pas chercher à faire du profit. Et on ne va pas chercher à faire du profit, donc on ne va réfléchir qu'en fonction de répondre aux besoins fondamentaux et aux besoins, bien sûr, aux secondaires, parce que quand même, il y a des besoins de se ressourcer, etc. Et puis, il y a même certains défis qui passent sur les besoins, parce que l'homme est un animal désirant, etc. Donc, il faut, c'est vrai, on désire ça, fait, on a tendance à désirer, c'est pas encore. Donc il faut quand même quand on est dans la sphère du désir, il faut savoir en faire la différence. Il faut que ça soit de l'accessoire. Non, mais ce qu'il faut aussi, c'est que les intérêts de quelques-uns, ce ne soient pas au détriment de l'intérêt des autres. C'est un fondement de base. C'est tout à fait là. Voilà. C'est pour ça, que quand on parle des sources d'énergie, qu'est-ce que c'est qui fait l'intérêt actuellement des gaz de schiste, etc. C'est l'intérêt de quelques-uns. C'est pas l'intérêt collectif. Non. Donc à partir de l'instant où on pense intérêt collectif et non plus intérêt de quelques-uns, on se place dans une autre perspective. Mais la politique, le capitalisme n'est pas basé sur l'intérêt. Donc justement. L'intérêt collectif est basé que sur les intérêts particuliers. Bien sûr. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on va dans le mur. C'est pour ça qu'il faut penser en dehors de ce schéma-là. Les gens vont devenir de plus en plus pauvres, ça il faut s'y attendre. Moi, si on continue par l'extérieur, par tout viser sur les exportations qu'on fait actuellement, ça va être indigable. C'est impossible. Au niveau individuel et puis de propagande qu'on peut faire aujourd'hui, c'est réfléchir à ce qui est réellement utile, à toutes les productions inutiles, commencer à faire attention, réparer les choses, entre deux produits, prendre celui qui est réparable, pas celui qui est jetable, et bon, bah là, il y a déjà un... Bah, des fois, on n'a pas le choix, hein, c'est sûr, hein, j'ai acheté une chaîne Wi-Fi, au bout d'un an, elle est morte, quoi. Bon, non, mais tu ne peux pas la réparer, tu ne peux pas la prendre, la parole. Mais bon, c'est des réseaux, se renseigner, favoriser ceux qui vont fabriquer... si une usine est autogérée et qui fabrique des trucs de qualité, aller là-bas, bah, c'est ce que faisait Lib avec quand ils ont repris leur production, quand on va parler d'autogestion, ça c'était quand même des exemples intéressants. Quoi. C'est, on fabrique, on produit, on revend, quoi. Et voilà. C'est pour ça qu'il devait être la parole. Des organisations, parce que je veux dire. Bien souvent, je veux dire, elles ne servent pas à grand-chose, si ce n'est, je veux dire, à briser les énergies, je veux dire, à faire que ça tourne, que ça mouline uniquement à l'interne, comme ça, je veux dire. Et ça, c'est un problème, parce que tu regardes les journaux, ça s'appelle ailleurs, hein, je veux dire. Mais les journaux anarchistes, selon la communauté, ça va. Mais non, mais justement, voilà, là, les trucs se passent ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux dire, quoi, qu'il faut, qu'il faudrait... Mais ce qui est différent de l'histoire avec elle-même, c'est qu'il faut faire de l'histoire avec elle-même, c'est l'expressivité. Bien souvent, on a un exemple, par exemple, sur un mécanicien automobile. C'est qu'il y a une compréhension, donc une compréhension intellectuelle du moteur, etc., que certains d'entre nous n'ont pas. C'est pour ça que quand tu dis, on la retrouve là, c'est avoir en fait de l'expressivité, c'est-à-dire du discours. Oui, voilà. Mais le mec, il a ce cerveau, il a dans sa tête complètement, de manière intellectuelle, le moteur de la machine, etc., tu vois, il sait comment la réparer, machin, alors que toi, ben, c'est la même chose, pour moi c'est le même plan. Hein. Vous voulez dire un truc? Oui, par rapport à ce que tu dis, bien sûr, toutes les expérimentations concreto sont vraiment fondamentales. Et avec ça, il peut y aussi avoir une réflexion globale qui essaye de dégager, disons, des grandes lignes, enfin, des principes moraux. Michel, d'une économie, sans vraiment trop entrer dans le temps des débats, parce que c'est peut-être pas. Déjà, ils sont là, hein, je veux dire. Bien sûr que ça, c'est la partie. Non, mais déjà, c'est là, c'est le choix de. Il n'est pas parlé. Non, c'est pas le choix de l'essence, c'est le choix de. Sur les mecs qui se trouvent sur les imprimantes, les machines, etc., sur les trucs. Ah, c'est le but. C'est comme ça, depuis les années 30, 40, on va être obligé à mettre ça en place. Le malheur, c'est que je reviens aujourd'hui anarchiste, relativement à cette discussion sur l'économie, etc., de transformation sociale, elle ça n'y est pas. C'est surtout le politique. C'est pour ça que je dis depuis des années et des années. Non, mais là, on est dans les choses subirisme, là, sur moi. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que les gens sont comme ça que les anarchistes, ou que ce soit les organisations, les journaux, sont obligés de faire dedans. Parce que sinon, les batailles, tu les perds comment? Le problème des journaux anarchistes, c'est que beaucoup le capitalisme, ils sont pas visibles dans les propositions, après. Exactement. Ou alors, ils restent trop simplistes. C'est ça paraît pas, c'est les organisations. Si on est trop simplistes, c'est des masses, Pourquoi il y a beaucoup plus d'anarchistes, en dehors des organisations, qu'à l'intérieur? Pourquoi autour de nous, par nos expériences historiques, machin, on sait pourquoi. Parce que être dans les organisations, tu perds ton temps, je veux dire, toute ton énergie, etc., des querelles à la con qui vont aller venir, les mecs, quoi, ils font quoi? Après, effectivement, ils vont travailler dans d'autres syndicats, etc., apporter leur énergie, etc., bien sûr, sur des logiques libertaires, mais voilà, et heureusement que, ailleurs, ça se passe. Hein, parce que tout ce truc dont je parlais tout à l'heure, les sites en transition, les amas, les machins, les sels, etc., même si j'étais libertaire comme ça, au départ, ce qui se fait là, alors qu'on reconnaît effectivement des logiques libertaires dans tout ça, maintenant, il n'y a aucune organisation qui se met en place avec un chef. C'est comme les premiers décroissants, les machins, etc., etc. C'est toujours l'autogestion, effectivement, le fédéralisme, la proximité, etc. On y est dedans. C'est ça le problème. Il fallait dire que les socialistes, par contre, prennent en compte ce qu'on appelle l'économie humaine et solidaire. Oui. C'est-à-dire qu'en le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, contre toutes ces tentatives d'économie sociale et solidaire, voilà. Mais humaine aussi, parce qu'il y a une économie humaine de ces pays. Il y en a même proposé comme économie humaine aussi, c'est pas grave. Il y en a plusieurs. Et ça, donc, en fait, c'est très institué. Ça veut dire qu'il faut pareil que pour le syndicat. Oui, mais ça, c'est très institualisé, mon désir, tout ce qui est économique. C'est pour répondre, il n'y arrivera pas. Voilà, quand tu restes enfermé, tu fais une sorte de secte. Tu vois, c'est le je l'amène à ce distinguo sur le théâtre, tu parlais de. Pas de profit, il faut bien distinguer le profit de bénéfice. Parce qu'une exploitation d'une entreprise quelconque, tu vas dégager des bénéfices. Ah, tiens, vous voulez dire Attends, il n'a pas fini. J'aurais dit le chéritique, il a fini, il a rendu compte qu'il faut investir, il faut remplacer les machines. C'est pas besoin de voler à terre. Non, mais il ne faut pas oublier que ce soit de l'échange du trône, que ce soit de la valeur marchande, c'est pareil. Non, je ne t'aime pas qu'il perd. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, on cherchait le taux de profit naturel justement pour délimiter ce qui est légitime de ce qui ne l'était pas. Si c'est chercher les bénéfices, les satisfactions de nos besoins, bien sûr. Mais si c'est un bénéfice aussi financier, non, bien sûr. Ça n'est pas oui. Voilà. Quel bénéfice, dans les satisfactions. C'est-à-dire si tu arrives à remplir les satisfactions. C'est que tu vas échanger contre autre chose qui te permet de continuer, etc. Tu cultives tes carottes et tu as besoin de réparer ton tracteur ou de le changer, etc. Et donc tu vas demander aux... Mais c'est pas de changer les carottes, de payer le tracteur. Non, c'est pas ça. Comme tu dis, quand il y a les transformations dans l'ensemble des rapports sociaux et économiques, c'est l'ensemble des rapports sociaux et économiques. Quand il y a un fond par autogestion, la massification et la technologie et la science. Effectivement, il y a ou des champs d'éoliennes, je veux dire, industrielles, où il y a le monopole, l'EDF, machin, etc., ou d'autres entreprises privées, ou alors, effectivement, dans chaque localité d'habitation, des structures, genre, par exemple pour les habitations, d'énergie, si tu rentres dans une autre, c'est la même manière que quand les mecs ils te disent maintenant, quand ils essaient de te dire, oui, la dette publique, par rapport, oui, ça coûte pas, il faut réduire les dépenses sociales, par les professeurs, machin, etc. C'est vraiment des grandes de comptabilité nationale. C'est pas considéré comme marchand, parce que justement, encore une fois, on l'a mis uniquement dans le monde des échanges et des services. C'est comme, c'est un truc très simple, c'est la comptabilité nationale, je parle de comptabilité locale, de base. Oui, mais tu restes dans ton esprit à la comptabilité. Ce n'est pas la transition d'économie, en fait. En transition ou pas, Oui, ça dépend des logiques de montagne. On a des exemples, par exemple, dans des communautés agricoles, où le mec, il a le cratère, il se prête la main. Ou alors, quand tu viens, sur son désastre. Où tu vois le bénéfice, là. Le mec, il dit, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Ça, c'est l'entraide, c'est autre chose. Et oui, mais ça, tu vois, c'est la chaîne de ça, là, c'est de leur donner du sel. Tu ne veux pas distinguer de ça, on n'est pas... Ça, c'est l'entraide, ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Non, mais nous, on a mis... On conclut, on se continue la discussion sur cette affaire. Avec un verre à la main, voilà. Et le couteau. À prix libre. On va voir parce que. Bon, j'arrête.